Caprice de lecture sur Fadjet, animée par Sarah. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Caprice de lecture. Aujourd'hui, je ne reçois ni un auteur, ni un libraire, ni une maison d'édition, mais un autre acteur du livre, et pas n'importe quel livre, parce que je reçois un collégien. Bonjour Samuel. Bonjour Sarah. Déjà, comment vas-tu ? Bah, très bien. Ça va très bien, ok. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi ? Quel âge tu as ? J'ai 13 ans, je suis au collège. D'accord. Et voilà. Oui. Bon, d'accord. Alors aujourd'hui, tu voulais nous parler du manga. Oui. Alors le manga, c'est une littérature qui existe depuis maintenant deux belles décennies, qui a un succès fou auprès des gens de ton âge et aussi des adultes, mais on sait que chez les collégiens et les lycéens, c'est quand même la lecture préférée. Alors on va faire comme dans chaque émission de Caprice de lecture. Je vais te poser quelques questions. Oui. On va faire quelques coupures musicales. Ensuite, on parlera d'un endroit insolite où lire. Et puis, en dernière partie, on parlera du caprice de la semaine pour donner envie à nos auditeurs de découvrir une autre forme de littérature. Est-ce que tu es prêt, Samuel ? Bien sûr. Alors, Samuel, est-ce que tu peux nous dire depuis quel âge tu lis du manga et pourquoi tu t'es mis à lire du manga ? Ça fait depuis que j'ai 9 ans que je lis du manga. D'accord. Et j'ai commencé à lire du manga parce que je voulais pas lire de romans, je voulais rien lire. Okay. Et un jour, bah, ma mère, un manga, elle m'a dit « Tu vas le lire, ça va te plaire. » Et ça m'a plu, j'ai voulu m'approfondir dedans. Du coup, j'ai continué à lire. J'ai commencé beaucoup de séries à côté et voilà. Tu peux nous dire le nom de quelques séries qui t'ont plu ? Dragon Ball Z, Dr. Stone et Spy Family. D'accord. Et en ce moment, qu'est-ce que tu es en train de lire ? Bah, Spy Family. Spy justement. Family, ouais. Alors, ensuite, est-ce que tu es abonné à des revues manga ? Oui, je suis abonnée à Animeland. D'accord. Donc, c'est une revue qui vous montre les nouveautés du manga. D'accord. Un petit résumé et des possibilités avec des posters dedans et voilà. D'accord. Et est-ce que tu conseillerais ça à quelqu'un qui a envie un petit peu de connaître plus l'univers du manga et les auteurs manga, par exemple ? Oui, ça, on peut le conseiller. Il y a beaucoup d'auteurs, même des petites dédicaces, des petits mots qu'ils ont marqués les auteurs dedans. D'accord. Donc oui, si on veut bien connaître le manga, c'est pratique, oui. Ok. Je te propose une petite coupure musicale. Est-ce que tu es d'accord ? Oui. Oui ? Alors, ce sera tout de suite avec Kungs et Lipstick. Caprice de lecture sur Fadjet. De retour sur Caprice de lecture avec Samuel, qui répond à quelques-unes de nos interrogations sur l'univers du manga. Samuel, peux-tu nous dire quel est ton manga préféré et pourquoi ? Alors, mon manga préféré, c'est Dragon Ball Z. Parce qu'il y a de l'action, de l'aventure et beaucoup d'histoires de chacun des personnages. Par exemple, on va viser sur un personnage et après, il y en a, il va se rencontrer. C'est même une même destinée, si vous voulez. Et ils vont tous sauver... pas vous dire, parce que ça va pas cacher le manga, mais ils vont tous sauver quelque chose. Et voilà. Tu peux nous donner le nom de un ou deux personnages principaux ? Sangoku. D'accord. Et Vegeta. Voilà. Et Vegeta, ok. Si... tu devais conseiller quelqu'un qui n'a jamais lu de manga et qui aimerait essayer avec un manga. Par quel manga, dont ceux que tu connais, tu pourrais lui dire bah, « ça, ce serait bien pour t'aider à apprécier ce genre de littérature bah, ». Moi, je vous conseillerais « La gameuse et son chat ». C'est un manga simple qui est facile à lire. Pour ceux qui commencent à lire un manga, c'est très bien. Il n'y a pas de violence, c'est une histoire sympathique à lire. Ça remonte le moral, j'ai envie de dire ça, parce que c'est drôle. Tu peux nous en parler un petit peu, le fond de l'histoire ? Bah, c'est une fille qui elle vit que pour les jeux vidéo, elle veut pas d'animal de compagnie, etc. Et il y a un chat qui se fait livrer chez elle, un petit chaton, et ça va changer sa vie. Et ouais. Est-ce qu'elle va continuer à jouer autant aux jeux vidéo ? Oui, mais avec son chat cette fois-ci. D'accord, donc c'est une histoire d'amitié qui va se... Oui. D'accord. Est-ce que tu peux nous présenter un manga que toi, tu as vraiment aimé ? Un manga, une série, un article aussi, pourquoi pas ? J'ai vraiment aimé L'Attaque des Titans. D'accord. Donc c'est un manga qui il peut être un peu violent, par des moments, mais c'est vraiment un manga, il n'y a que de l'aventure. Et l'histoire est très bien développée, avec des titans, une histoire beaucoup pas particulière. On est au Moyen-Âge, c'est médiéval, et c'est fantastique, donc c'est très bien. Ça te dit de retrouver Imagine Dragon, c'est Enemy ? Ouais. Eh ben on y va tout de suite. I wake up to the sounds of the silence that allows for my mind to run around with my ear up to the ground. I'm searching to behold the stories that I told when my back is to the world that was smiling when I turned. And the laughter in the halls and the names that I've been called. I stack it in my mind and I'm waiting for the time when I show you what it's like to be worse fit in a mind. Tell you you're the greatest, but once you turn to haters, oh the misery. Everybody wants to be my enemy. Okay, I'm hoping that somebody pray for me. I'm praying that somebody hope for me. I'm staying where nobody supposed to be. Posted, being a wreck of emotions. Ready to go whenever you let me know. The road is long, so put the pedal into the flow. The energy on my trail, my energy unavailable. I'ma tell it my silhouette go. Hey, when I fly on my drive to the top, I've been out of shape, thinking out of the box, I'm an astronaut. I blasted off the planet, rock that caused catastrophe, and it matters more because I had it. Now I had, I thought about wreaking havoc on an opposition. Kinda shocking, they want a static with precision. I'm automatic, quarterback, I ain't talking sack and pack it up, I don't panic. Batter up, who the baddest, it don't matter, cause we is your th- Everybody wants to be my enemy. Thank you. Caprice de lecture sur Fadjet. De retour sur Caprice de lecture, où je vais vous présenter le temple du livre, mon coup de cœur de la semaine, la librairie Isley-Reven, qui se situe à Metz, à côté de la cathédrale, place d'Armes. Alors pourquoi le temple du livre ? Parce qu'il y a tout, surtout, tout le temps, toute la journée, c'est trop bien. On peut même se perdre dans les rayons. Il y a un rayon, on va dire religion, un rayon psychologie, un rayon roman étranger, français, avec des nouveautés qui sont vraiment mises en valeur. Un personnel qui est toujours à disposition et fait de plus en plus rare, malheureusement, qui connaît très bien les livres du rayon. Et là, on peut vraiment en discuter. D'ailleurs, c'est grâce à un de ses vendeurs que moi-même, je me suis remise à la littérature asiatique, que j'avais laissé tomber. Et en plus, à côté, il y a une annexe qui s'appelle Isler BD. Et là, en plus, il y a de la BD et spéciale dédicace pour toi, Samuel, du manga. Donc, c'est vraiment génial. Moi, je le conseille à tout le monde. Comme on dit, de 7 à 77 ans, il y en a pour tous les goûts, avec un accueil vraiment formidable. Donc, c'est chez Isley-Reven qui se situe à Metz. On se retrouve juste après Hurricane avec le caprice de la semaine de Samuel. Caprice de lecture sur Fadjet. Pour cette dernière partie d'émission, Samuel va nous faire part de son caprice de la semaine, qui sera bien évidemment un manga. Samuel, à toi de jouer. Je vais vous présenter Spy Family. Alors, je n'ai pas tout lu, il me manque encore 2 tomes, mais je vais vous parler un peu de ce que c'est. C'est un espion qui part pour rencontrer un président russe qui veut tout détruire. Sauf qu'il doit créer une famille, il doit être père, il doit avoir une femme et un enfant. Sauf que pour lui, il se dit c'est facile, je vais faire une famille puis je vais divorcer. Sauf que non, car sa fille est télépathe et que sa femme est une tueuse en série. Alors qu'en fait, il va se passer plein de trucs drôles, mais ils se rendront même pas compte tous les trois. Et donc c'est vraiment une série palpitante, je trouve elle est sympa à lire et ça se lit très bien. Ouais. Tu lis un manga en combien de temps toi? En un soir, je peux en lire un. Donc en une demi-heure, c'est lu? Oui. 3 quarts d'heure? Ok. Donc avis aux parents hein, qui achètent des mangas aux enfants. Mais Samuel, je te remercie beaucoup d'avoir participé à cette émission. Tu nous as permis de découvrir ce qu'était l'univers manga. Oui. Et puis surtout, tu nous as permis de mieux comprendre pourquoi c'était si sympa à lire. Voilà. Caprice de lecture s'achève pour cette émission. Je vous souhaite de très belles lectures. N'hésitez pas à commenter ou à réagir sur le site internet de Fadjet. À très bientôt. Au revoir.